Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, radio libre et locale, locale et libre, libre depuis 42 ans. Eh oui. Elle s'appelait à l'époque, elle s'appelait Radio Trait d'Union. C'était bien Radio Trait d'Union aussi, hein. Ah oui. Le programme de ce soir, donc le 1er mai 1962, accident nucléaire. Le 1er mai encore, fête du travail, mais pourquoi ? Émeric Caron, le nucléaire a besoin du mensonge pour être accepté. Blast, garde à vue, délit de faciès, intimidation. Serge Faubert, on ne touche pas à Monsieur Mélenchon. Bernard Pignerol. L'identité européenne, une histoire de gêne. Alors là, c'est... Bon, voilà, je ne vous en dis pas plus. Notre pays, les PTT, la SNCF, la Sécurité sociale, Christophe Bex. Roumanie, entre Est et Ouest, aux portes de la guerre, le dessous des cartes, sur Arte. Et puis, bon, revue de presse, bien sûr. Thank you. Alors, donc, ce soir, eh bien, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, que s'est-il passé le 29 mai? Eh bien, par exemple, le 29 mai 1658, en France, début de la révolte des sabotiers dans l'Yonne. Le Berry, la Sologne, le Perche, l'Anjou, le Poitou et le nord-est de la Normandie. La colère des paysans éclate contre les impôts excessifs. La guerre des hommes en sabots va se répandre comme une tache d'huile. 1658. Hein. Oui, ils bougeaient les Français en 1658. Hein. Ce n'était pas contre la transformation des retraites. Hein. C'était pour survivre, quoi. 1830, France. Naissance de Louise Michel. Ah, Louise Michel est née en 1830. En France. 1912, Grande-Bretagne, grève de 100 000 dockers pour un salaire minimum unique. 1914, Grande-Bretagne, la grève des ouvriers du bâtiment dure depuis 20 semaines. Les entrepreneurs décident le lockout, what is it, touchant 500 000 travailleurs. 1920, France, la lutte des cheminots aboutit à un échec. 18 000 d'entre eux sont renvoyés, perdant leur logement et retrouvant difficilement un travail. L'organisation syndicale en sort affaiblie. 1930, Vietnam. Lors de la révolte paysanne de Cochinchine, la foule rassemblée à Haumont réclame la saisie du riz chez les riches propriétaires. Certaines banderoles demandent le partage des terres pour les donner aux pauvres. 1940, Mexique. Des membres du Parti communiste américain et du GPU attaquent la villa de Trotsky. L'assaut est repoussé. 1946, Allemagne. Le Conseil de contrôle, siégeant à Berlin et légiférant pour les quatre zones occupées, recommande aux commandants respectifs de favoriser la création de syndicats professionnels sur une base démocratique. 1961, USA. Un jour, après les émeutes raciales à Montgomery, dans l'Alabama, le gouverneur décrète l'état de siège. De nombreux Noirs sont blessés alors que des racistes de couleur blanche attaquent une église où le pasteur Martin Luther King voulait prêcher l'égalité des races. 1963, France. Les femmes de mineurs de fer de Lorraine montent à leur tour à Paris pour rencontrer les groupes politiques et les ministères. Les femmes de mineurs de fer de Lorraine montent à leur tour à Paris pour rencontrer les groupes politiques et les ministres. 1968, France, à Paris. Grande manifestation organisée par la CGT et le PC, Parti communiste. CGT, c'est Confédération générale du travail, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne l'auraient pas appris, pour un gouvernement populaire d'union démocratique avec participation communiste. 1973, France. 500 travailleurs de l'IP se rendent en car à Paris et manifestent devant l'ambassade de Suisse et le siège de l'IP, fermé pour réparation. Ils accompagnent une délégation au ministère de l'Économie et des Finances. 25 cars de gardes mobiles les attendent. J'espère qu'on ne les paye pas trop, les gardes mobiles, et qu'ils ne consomment pas trop de carburant. Hein, les gardes mobiles, ah oui, quand même. La productivité du pays, elle en souffrirait quand même. Eh oui, eh oui, oui. 25 quarts de gardes mobiles les attendent. 1975, Portugal. Évasion de 89 agents de l'ex-PIDE. La police politique de l'ancienne dictature. Police politique. Ça existe, ça, la police politique? Ah bon, ça existait en 1975, Rubis. Ça n'existe plus. Ah non. Non. Bon, allez. 1979, Nicaragua, offensive du Front sandiniste de libération nationale contre la garde nationale au nord et au sud du pays. 1981, Argentine. L'organisation latino-américaine des droits de l'homme, justice et paix, publie un communiqué dénonçant une série de manœuvres d'intimidation à l'encontre des militants des droits de l'homme. 1984, Haïti. Certaines informations commencent à filtrer sur les graves émeutes de la faim, et les brutalités policières, émeutes de la faim et brutalités policières, qui ont ensanglanté la ville de Gonaïves entre le 21 et le 25 mai. Faudra quand même un jour punir sévèrement les politiciens qui font des choses comme ça. Émeute de la faim, brutalité policière. 1984, Algérie. L'Assemblée populaire nationale adopte un nouveau code de la famille qui atténue l'inégalité entre les sexes. Thank you.

En France, officiellement, Tchernobyl n'a eu aucune conséquence. À l'époque, les autorités ont même dit « circuler, il n'y a rien à voir, le nuage radioactif s'est arrêté aux frontières ». C'était un mensonge, bien sûr, mais le nucléaire a besoin du mensonge pour être accepté. Madame la ministre, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez eu recours au mensonge pour imposer aujourd'hui la relance du nucléaire à cette Assemblée et à l'opinion française. Quel mensonge ! Le nucléaire serait une énergie non polluante, c'est faux. Les centrales produisent des déchets radioactifs qui salissent nos sols et qui mettent en péril notre santé pour des centaines ou pour des milliers d'années. Des déchets dont on ne sait absolument pas quoi faire à part les enterrer, c'est ça, les limites du génie humain. Le nucléaire nous garantirait, Madame la Ministre, c'est toujours à vous que je m'adresse, nous garantirait la souveraineté énergétique. C'est faux. La France doit importer l'uranium nécessaire au fonctionnement des centrales. Le choix allemand de sortir du nucléaire serait une catastrophe parce que compensé par la relance du charbon. C'est faux. L'Allemagne a principalement compensé l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables et elle a déjà programmé la sortie prochaine du charbon. Renseignez-vous. La France aurait absolument besoin du nucléaire pour parvenir à la neutralité carbone. C'est faux. Negawatt, RTE ou encore l'ADEME ont publié des scénarios qui montrent que nous pouvons arriver à un mix 100% renouvelable d'ici 2050. Les Françaises et les Français auraient été associés, Madame la Ministre, c'est toujours à vous que je m'adresse, si vous voulez bien avoir la politesse de m'écouter, à votre choix de relance du nucléaire. C'est faux. Il n'y a eu aucun vrai débat dans le pays. Et la Commission nationale du débat public a préféré jeter l'éponge quand elle a compris que les dés étaient pipés dès le départ. Vous mentez encore sur les coûts réels du nucléaire. Est-ce que vous êtes capable de dire avec précision combien vont coûter la prolongation de nos vieux réacteurs et la construction des nouveaux ? Non, bien sûr, vous n'en savez strictement rien. L'EPR de Flamanville était annoncé à 3 milliards. Là encore, c'était faux puisqu'il va coûter au minimum 6 fois plus. Est-ce que vous dites aux Françaises, qu'est-ce que vous dites aux Françaises et aux Français sur les risques liés à la sécurité des centrales nucléaires et des piscines de stockage des déchets ? Qu'est-ce que vous dites sur les conséquences d'une attaque terroriste ou militaire contre ces installations ? Vous ne dites rien, vous préférez le secret défense et l'omerta. Pourquoi, pendant le temps que nous avons passé à étudier votre loi, à aucun moment, vous n'avez évoqué la centrale de Zaporijjia en Ukraine ou les centrales voisines au cœur de la guerre, alors que l'AIEA avertit sur le risque d'un grave accident nucléaire en raison des bombardements ? Est-ce que chez nous, en France, le risque de guerre et de terrorisme n'existe pas ? Pour le croire, il faut être arrogant ou inconscient. Madame la Ministre, j'ai une question à vous poser, à laquelle j'aimerais que vous répondiez sans mentir. Madame la Ministre, si vous voulez bien m'écouter. Est-ce que vous pouvez promettre aux Français, aux Françaises, qu'il n'y aura pas dans les années qui viennent d'accidents majeurs nucléaires en France ? Est-ce que vous pouvez le garantir, Madame la Ministre ? Est-ce que vous pouvez le garantir ? Non, vous ne le pouvez pas. Chers collègues, avant de voter, prenez-en conscience. Si un accident grave venait à toucher un jour un des réacteurs dont vous auriez soutenu aujourd'hui la prolongation ou la construction, vous en porteriez la responsabilité et la culpabilité. J'ai été interpellée le jeudi 23 mars. J'ai été interpellée le soir de l'annonce du 49-3, donc c'était le 16 mars. J'ai été interpellée vendredi 14 avril. Lorsqu'à Blast, nous avons voulu nous intéresser aux gardes à vue abusives, nous avons commencé par collecter des témoignages. Parmi eux, nous sommes tombés sur celui d'Anis Deb, qui nous a raconté une histoire un peu folle. Je m'appelle Anis, j'ai 23 ans et je suis étudiant en master de sciences politiques en parcours Afrique-Moyen-Orient à la Sorbonne. Il n'a pas été seulement placé en garde à vue, mais aussi déféré au parquet de Paris. Il nous raconte sa version de son arrestation. J'ai été interpellé au niveau du Pont Neuf dans la soirée. Moi, j'étais pas du tout habillé, je pouvais pas donner l'impression que j'étais un manifestant, c'est-à-dire que j'avais une chemise et une cravate. J'avais à peu près cette tenue-là avec une chemise et une cravate. Et je cherchais une station Vélib, je me baladais. Et à un moment, j'ai vu qu'il y avait un camion de CRS qui était à mon niveau, donc je me retourne. Je vois qu'il y a des CRS dedans qui me regardent un peu. Je continue d'avancer, je fais quelques mètres, et là, j'entends les cloques, les portes du camion se claquer. Je me retourne et je vois les CRS, 4, 5, 6 CRS qui commencent à me courir derrière. Donc par réflexe, parce que j'ai eu peur à ce moment-là, je me mets à courir. Ils me plaquent au sol à 3 ou 4. Ils me mettent dans la voiture. Et une fois qu'ils me mettent dans la voiture, moi, je me dis que c'est une arrestation aléatoire, que de toute façon, je vais être relâché rapidement. Donc je suis avec 4 policiers. Il y a celui de devant qui parle dans sa radio et qui dit c'est bon, on a interpellé un rebeu. Il s'arrête et il reprend ça doit être ce rebeu qui a brûlé la poubelle. Donc là, je rigole et je leur dis bah, ça s'apparente un peu à un délit de faciès, tout ça, parce qu'ils cherchaient un rebeu, ils ont pris peut-être le premier qu'ils ont vu. Et là, ils se mettent à rigoler, ils me disent que je suis con, enfin, ils me disent que je suis con, que je sais pas de quoi je parle. On me fait monter dans une voiture, on m'emmène au commissariat du 17e arrondissement. Là, on me notifie ma garde à vue et on me dit qu'il y a deux charges qui sont retenues contre moi, donc d'une, participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences, et un deuxième, celui de destruction de biens publics au moyen d'explosifs ou d'incendies. L'OPJ me dit que les policiers ont fait un PV, enfin on fait des PV où ils disent qu'ils m'identifient clairement en train de mettre le feu à la poubelle. Donc les mêmes policiers qui la veille me disaient que de toute façon, si c'était pas moi, je serais innocenté. Le lendemain, ils affirment clairement qu'ils m'ont vu. Chose qu'ils me disent absolument pas à ce moment-là. Personne ne contrôle en général avec précision ce qui est inscrit dans le procès-verbal. Là, dans les manifestations récentes, on a eu justement la question de procès-verbaux insuffisamment précis. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté en a parlé dans ses observations qu'elle a fait au ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai lu le courrier que vous a adressé la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. C'est quand même assez édifiant ce qu'elle a vu. Elle témoigne notamment d'agents de police qui expliquent avoir eu pour consigne et ordre hiérarchique d'interpeller sans distinction des individus se trouvant à Paris. Ils ne sont pas en capacité de nous détailler le comportement du mis en cause à la présente procédure. Ce que vous dites, et je comprends ce que vous dites puisque c'est ce qu'elle dit, est très insultant pour les forces de l'ordre. Non, pas du tout. Il arrive régulièrement dans des procédures que la vérité soit déformée, mais il n'y a jamais ou très rarement de poursuites pour des faux procès-verbaux. Donc de ce point de vue-là, il y a une impunité. Délit de faciès, arrestation arbitraire, faux procès-verbaux, les accusations sont graves. Contactée, la préfecture nous confirme simplement l'arrestation du jeune homme. C'est juste pour vous dire en source préfecture de police que le mis en cause a été interpellé pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations après qu'une poubelle publique a été incendiée. Il a été placé en garde à vue et le parquet procédait à son déferrement à l'issue de la mesure. C'est ce que j'ai comme élément et après le reste, ce sera à voir avec le parquet. Il disait qu'il y avait des policiers pendant sa garde à vue qui avaient fait des faux PV, qu'il avait d'abord été interpellé par délit de faciès. C'est plutôt ça qui nous intéressait. Ouais, mais là-dessus, moi, j'ai pas d'éléments. J'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Enfin, j'ai aucun élément là-dessus, donc c'est compliqué pour moi. Mais le récit d'Anis ne s'arrête pas là. Il devient de plus en plus surréaliste. Au bout de 24 heures, il y a un OPJ et un autre qui revient vers moi en me disant que le procureur de la République a décidé d'abandonner la charge d'incendie contre moi. Il m'explique pas vraiment pourquoi, mais c'est abandonné. Donc moi, je pense sortir, puisque la première charge, ça vaut pas grand-chose, selon mon avocat. Et même, j'étais plus dans la manif. Pour moi, c'était juste une charge pour faire un peu peur. Et au final, pas du tout. On me défère. Donc on reconnaît que on me poursuit plus pour des faits de dégradation, mais on me défère quand même au parquet. Là, je m'attends à ce que mon avocat arrive aussi, soit présent. Ça va pas être le cas. Au final, la déléguée du procureur va me refuser le droit à avoir un avocat. C'est-à-dire que dans un premier temps, je lui demande où est-ce qu'il est, elle me dit qu'il n'y en a pas. J'insiste en lui disant que je l'ai vu il y a 30 minutes. Elle me dit que j'en ai pas besoin, qu'il n'y en a pas besoin là ici. Elle continue l'audition et à un moment, elle me tend une feuille qui, en fait, ça va être un avertissement pénal probatoire. Je sais pas ce que c'est à ce moment-là, où il est déclaré que je dois faire un stage de citoyenneté de 150 euros. Je lui redemande la présence de mon avocat parce que je comprends pas le document qu'on présente et qu'on me demande de signer, que j'ai besoin de ses conseils. Elle me le refuse, elle me dit qu'elle m'expliquera une fois que j'aurai signé. Sur ce point, la circulaire du garde des Sceaux qui date du 13 décembre 2022 relative à l'avertissement pénal probatoire prévoit de manière très claire que la présence d'un avocat est possible. On ne peut pas refuser le droit à la présence d'un avocat. Je finis par signer le document en pensant que, en voyant le mot avertissement, je pense juste que c'est un avertissement, donc pas très loin d'un rappel à la loi. Au final, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, en signant le document sans le savoir, je reconnais ma culpabilité, c'est-à-dire d'avoir participé à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences. En plus du sentiment de s'être fait piéger, Anis rapporte les propos lunaires de son interlocutrice. Enfin, elle enchaîne sur 20-30 minutes où elle tient juste des propos qui sont à la fois incohérents et à la fois intimidant, humiliant contre moi, contre les manifestants, en disant que je n'avais rien à faire dans une manifestation, que je devrais abandonner mes études, et que le fait que je sois à la Sorbonne, en faisant de la recherche à la Sorbonne, je me retrouve embrigadé par mes enseignants et mes enseignantes. Elle enchaîne en prenant la défense de Bernard Arnault, en disant que si on taxe celui-ci, alors il va se retrouver sans l'argent qu'il a mérité et qu'il ne pourra plus, faire travailler personne, que le système de retraite, que la réforme de retraite est juste et nécessaire. Enfin, elle enchaîne tout ça en insistant bien sur le fait que je devrais changer de métier, enfin changer d'études, pourquoi pas faire plombier. Je ne sais pas pourquoi elle me conseille de faire plombier, mais en tout cas, elle me parle de faire plombier, qu'un vrai métier, c'est quand on fait pousser des légumes dans la terre. Et elle me dit qu'au final, tout ça va me servir de leçon et que je devrais arrêter de manifester, tout simplement. L'avertissement pénal probatoire, comme son ancêtre le rappelle à la loi, ce sont des mesures qui sont extrêmement politiques, puisqu'elles sont là pour opérer un rappel solennel aux obligations. C'est une petite fessée prévue par le Code de procédure pénale. Donc, il y a véritablement une intention d'éducation civique. Là, il semblerait que Anis témoigne de faits qui vont bien au-delà de la simple éducation civique, et même qui vont faire perdre tout leur sens aux obligations telles que le stage de citoyenneté auquel on peut être astreint lorsqu'on fait l'objet d'un avertissement pénal probatoire. Je me suis retrouvé avec un sentiment d'avoir été abusé par la justice, par la police, j'étais épuisé. Je me suis dit que mon avocat m'a expliqué qu'en final, ce qui s'était passé, c'était pas OK. Mais ouais, j'ai très, très envie de retourner en manifestation, mais aussi avec la peur et l'inquiétude que je partage avec ma mère qui me voit très mal retourner en manifestation. Mais je me vois pas faire autre chose. Parce que si on laisse faire, ça veut dire que leur système de répression va marcher. Il marche très bien déjà, mais moi, en tout cas, c'est à la fois par conviction que j'ai envie d'y retourner, mais aussi pour un peu quand on fait un accident ou on tombe de vélo, on veut remonter très vite dessus pour pas que la peur elle reste ou elle nous gagne, et j'ai envie de retourner en manifestation en partie pour ça. Gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion. Allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Bernard Pignerol, on ne vous connaît pas très bien, vous êtes un personnage un peu mystérieux ou en tout cas discret. On vous aperçoit de temps en temps dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon.

des populations R1B traversent la Méditerranée avant de se répandre dans le Sahara, qui est alors une savane verdoyante. Ils finiront par se stabiliser au niveau du lac Tchad, où ils demeurent encore aujourd'hui. On remarque au passage que la couleur de la peau s'adapte très vite au nouveau climat. C'est ainsi qu'on en arrive au plus grand chamboulement dans l'histoire de l'Europe. Les agriculteurs-éleveurs du Proche-Orient vont se répandre subitement vers l'ouest au cours de deux vagues pratiquement simultanées. La plus importante concerne l'haplogroupe G, qui est présent notamment en Anatolie. Vers 6500 avant Jésus-Christ, ces peuples gagnent les Balkans, puis s'avancent jusqu'en Europe occidentale par le nord des Alpes, avant de redescendre vers l'Espagne vers 4500 avant Jésus-Christ. Cette expansion donnera naissance à la culture rubanée. La deuxième migration qui se fait en parallèle est moins évidente d'un point de vue génétique. Elle met probablement en jeu l'haplogroupe E1B1B qui domine l'Afrique du Nord et s'étend jusqu'à la côte du Levant. Cette fois, la diffusion de l'agriculture se fait par voie de mer, peut-être depuis l'île de Chypre. Ces navigateurs passent par la Grèce et s'installent massivement dans l'actuelle Albanie où ils résident toujours. Puis l'expansion se poursuit jusqu'aux côtes espagnoles, mais de façon plus diffuse. Les migrants, eux, restent partout minoritaires et se contentent de diffuser l'agriculture et l'élevage auprès des populations I. Ça correspond plus ou moins à la diffusion de la culture cardiale en Europe méridionale. En Europe occidentale, l'explosion démographique provoquée par l'agriculture entraîne l'essor du mégalithisme. Ça concerne surtout la frange atlantique, qui reste dominée par l'haplogroupe I primitif. Celui-ci tend d'ailleurs à regagner du terrain sur le groupe G au cours de cette période, tandis que le groupe R1 gagne l'Allemagne. C'est ainsi qu'on arrive en 3000 avant Jésus-Christ, une période cruciale puisqu'elle va marquer le point de départ des Indo-Européens. Ça se passe probablement au nord de la mer Noire, sur un territoire qui correspond à la culture Yamna. Une nouvelle mutation apparaît au sein du groupe R1B et connaît une expansion brutale, des Balkans jusqu'à l'Altaï. Cette nouvelle migration à travers les steppes est peut-être due à la domestication du cheval, combinée à l'invention de la roue. Ces nomades véhiculent leur langue, que j'appellerais le proto-indo-européen, même s'il y a des débats sur son existence. Par la suite, l'expansion de ces indo-européens du groupe R1B se poursuit vers l'est jusqu'au cœur de la Mongolie et vers l'ouest jusqu'au nord des Alpes. Au passage, ils se retrouvent au contact de la vieille branche R1A centrée sur les pays baltes, qui adoptent leur langue. Dynamisées par cet apport indo-européen, les populations R1A s'étendent alors vers l'ouest jusqu'en Allemagne et en Scandinavie, et vers l'est jusqu'au cœur de la Russie. Les langues indo-européennes se diversifient beaucoup sur des territoires aussi immenses. Au même moment, en Anatolie, des éleveurs du groupe J2 profitent de l'assèchement du climat pour s'étendre aux dépens des agriculteurs du groupe G. Dans ces montagnes riches en métaux, ils font une découverte majeure. Comment fabriquer du bronze en mélangeant du cuivre et de l'étain? Les Indo-Européens du voisinage s'empressent de récupérer leur découverte. Les armes en bronze, combinées aux chars tirés par des chevaux, les rendent encore plus puissants. Ils prennent les rênes en Grèce comme en Anatolie. Dans les deux cas, leur langue va s'imposer tandis que leurs gènes resteront minoritaires. Ainsi naissent les Mycéniens en Grèce et les Hittites en Anatolie vers 2000 avant Jésus-Christ. La métallurgie du bronze gagne très vite la Bohême, qui est le seul endroit où se trouvent rassemblés des gisements de cuivre et d'étain. Ça rend les Indo-Européens du secteur tout-puissants, ce qui leur permet d'amorcer une nouvelle vague de migration vers l'ouest, jusqu'en Espagne et dans les îles britanniques. Il s'agit cette fois d'une migration essentiellement guerrière et masculine, ce qui explique que les populations conquises conservent leur langue maternelle, alors que les conquérants imposent leurs gènes. L'exemple le plus frappant est celui des Basques. Ils sont majoritairement R1B et possèdent donc des gènes indo-européens, mais leur langue constitue comme un témoignage de l'époque où le groupe I dominait la région. Pendant ce temps-là, les indo-européens du groupe R1A poursuivent leur mouvement vers l'est, jusqu'à atteindre les limites de l'Afghanistan vers 2000 avant Jésus-Christ. Là, ils se divisent en deux branches. L'une s'avance en Iran, où ils formeront les Mèdes et les Perses. L'autre s'avance en Inde, où ils formeront les Indo-Aryens. Le R1A tend également à remplacer le R1B sur une bonne partie des steppes d'Asie centrale. Finalement, la grande migration indo-européenne se sera faite en deux principales vagues. Celle du R1B d'abord, puis celle du R1A. En Europe, la pression guerrière depuis l'Europe centrale se poursuit pendant tout l'âge du bronze. Les langues indo-européennes atteignent sans doute assez vite le Danemark et les Pays-Bas. La situation est plus complexe en Espagne et en Italie. Dans la péninsule ibérique, les Lusitaniens ont une langue indo-européenne, mais pas les Ibères. En Italie, les futurs latins sont indo-européens, mais pas les Étrusques. Autre curiosité, les Illyriens adoptent une langue indo-européenne en l'absence de toute migration, donc par simple influence culturelle. On se retrouve alors en 1200 avant Jésus-Christ. En Méditerranée orientale, ça marque l'épuisement des ressources en étain nécessaires au bronze, alors même que les chevaux des steppes commencent à devenir assez robustes pour être montés. Ça déclenche une puissante vague de migration avec des conséquences génétiques limitées, mais bien documentées par l'archéologie et l'écriture. À partir de 800 avant Jésus-Christ, les événements s'emballent. Les Phéniciens vont chercher les métaux manquants en fondant des comptoirs jusqu'en Espagne. Puis les Grecs leur emboîtent le pas plus au nord. Cependant, ces colons resteront partout minoritaires et ne modifieront pas fondamentalement la génétique de ces pays. L'arrivée des Mèdes et des Perses a des conséquences bien plus durables. Eux aussi profitent d'une puissante cavalerie montée qui leur permet de conquérir presque tout le monde antique. La génétique confirme que les Kurdes actuels sont liés à ces migrations R1A d'Orient, tandis que les Arméniens sont surtout liés aux migrations R1B d'Occident. Aujourd'hui, le Kurdistan apparaît comme un mélange génétique de ces deux apports. Pendant ce temps-là, en Europe occidentale, les Celtes installés juste au nord des Alpes profitent à fond de leur gisement de fer. Grâce à cette nouvelle métallurgie, ils imposent leurs lois sur des territoires immenses. D'abord en Gaule, puis dans les îles britanniques, puis en Espagne et dans le nord de l'Italie, et jusqu'en Anatolie. Leur langue indo-européenne s'impose dans leur sillage. Cette domination celtique est remise en cause par l'expansion romaine. Les Romains ne diffusent pas leurs gènes, mais ils imposent le latin sur une bonne part de l'Occident. Seuls les Basques conservent leur langue, ainsi que les Berbères en Afrique du Nord et les Illyriens. C'est aussi l'époque où s'amorce l'expansion germanique, depuis le Danemark et le nord de l'Allemagne, contre laquelle l'Empire romain va épuiser ses forces. Ces Germains sont une belle illustration de mélange génétique, puisqu'on y trouve du R1A, qui est plutôt caractéristique des Slaves, du R1B, très présent chez les Celtes, et du I, qui est majoritaire chez les Illyriens. Deux dernières migrations eurasiatiques vont remettre en cause cette omniprésence des Indo-Européens. La première concerne l'haplogroupe N, dont je n'ai pas encore parlé. Originaire de Chine du Nord, il a atteint les montagnes de l'Altaï vers 2000 avant Jésus-Christ. Puis il s'est répandu vers l'ouest, en longeant la limite entre les steppes et la forêt, jusqu'à atteindre la Finlande et l'Estonie vers 1000 avant Jésus-Christ. Cette migration est associée à l'apparition d'un nouveau groupe linguistique, les langues finno-ougriennes, qui donneront naissance au finnois et à l'estonien. Des mélanges se produisent avec le groupe R1A dans les Pays-Baltes et jusqu'en Suède. Puis c'est l'haplogroupe C qui subit à peu près la même trajectoire. Lui aussi est originaire de Chine du Nord. Il gagne la Mongolie vers 1000 avant Jésus-Christ, puis se répand jusqu'à l'Altaï. Il est étroitement associé au peuple turco-mongol, qui vont bientôt devenir les nouveaux maîtres de l'Asie centrale aux dépens des Indo-Européens. La première apparition des Turco-Mongols en Europe est celle des Huns, vers 370 après Jésus-Christ. Ils n'y laissent pas une grande empreinte génétique, mais ont surtout pour effet de dépeupler l'Europe orientale au profit des Slaves, qui viennent combler le vide aux dépens des Germains. Les Latins en profitent aussi pour passer au nord du Danube, où ils deviendront les Roumains. Même histoire avec l'arrivée des Avars, qui s'installent dans l'actuelle Hongrie. Cette fois, ça va profiter aux Finno-Ougriens du groupe N, qui vont en profiter pour s'implanter dans la région au Xe siècle. Ce sont les fameux Magyars, qui vont devenir les Hongrois, et qui forment comme une poche non-indo-européenne au cœur de l'Europe. Les derniers bouleversements sont liés aux vagues turco-mongoles qui se poursuivent d'est en ouest. Les Turcs puis les Mongols vont presque entièrement effacer les anciennes langues indo-européennes en Asie centrale, mais sans pour autant y éradiquer l'haplogroupe R1A qui subsiste encore aujourd'hui. Pour finir, l'expansion russe va contribuer à réduire fortement le domaine des populations finno-ougriennes. Quel est le bilan aujourd'hui en Europe ? Ça mériterait une vidéo à part entière, mais voici sommairement la situation génétique. On va représenter uniquement l'haplogroupe majoritaire, mais il faut savoir qu'il y a des mélanges partout. L'haplogroupe I originel se maintient surtout en Scandinavie, en Sardaigne et en Bosnie. L'haplogroupe R1, apporté par la grande vague indo-européenne, mérite d'être subdivisé. Sa version R1B concerne essentiellement l'Europe occidentale, tandis que R1A englobe tous les pays slaves du Nord. L'haplogroupe E1B1B, qui est omniprésent en Afrique du Nord, reste majoritaire au Kosovo et très implanté dans le Péloponnèse. L'haplogroupe N, venu d'Extrême-Orient, est majoritaire en Finlande et au nord de la Russie. Il est lié aux finno-ougriens. L'haplogroupe J2, caractéristique des éleveurs d'Anatolie, est beaucoup implanté à Chypre et en Crète. Enfin, l'haplogroupe G, apporté par les premiers agriculteurs d'Anatolie, est devenu partout minoritaire. Finalement, le sud-est de l'Europe est caractérisé par un mélange entre de nombreux haplogroupes. Cette répartition très schématique n'a plus aucun lien avec les peuples et cultures actuelles, mais elle est comme un fossile des grands bouleversements qui ont secoué l'Europe pendant près de 10 000 ans. Ce qui est fascinant, c'est que la linguistique et la génétique révèlent des pans entiers de l'histoire ancienne qui étaient jusqu'alors inaccessibles faute d'écriture. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement la lettre d'actualité d'Hérodote.net. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres épisodes. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si Tom dort point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre dintelier, un ami clotant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure ne fâche au quai de brère, tâche de l'endormir par un canchon. Allez, dis-je, ma narcisse de matara, du pain épice du Chicago-go, si que t'es sache et que te fais dodo. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Et si te me lèche faire une bonne semaine, j'irai dégager t'un bio saro, t'un pantalon de drap, t'un gilet de laine, comme un petit milord te sera faro. J't'accaterai le jour de l'ducasse, un porichinelle cocasse, un turlututu pour jouer l'air du capio pointu. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Nous irons dans le cours, Jeannette à vague, vire les marionnettes comme te rira. Quand t'atteindra dire un doux poule Jacques, palporichinelle qui parle maga, te l'y mettra d'un smenote au lieu de tout pain rond de carotte, lui dira merci pinche comme nous aurons du plaisir. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Et si par hasard Saint-Mette se fâche, c'est alors Narcisse que nous rirons. Sans avoir un vie, je prendrai Mnermache, je lui dirai son nom et ses surnoms. Je lui dirai des fariboles, il m'en répondra des drôles, un fin, un chacun verra de pestaque au lieu d'un. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. annoncèrent tes yeux, dorme un bonhomme, j'vas dire une prière à petit Jésus, pour qu'il vienne ici pendant un somme, t'faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus, pour qu'il t'apporte un coquille avec du chiro qui guille tout long ta main tente pour les gras de rongeur et de long. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Le mot qui vient de Saint-Nicolas chez le fête, pour sûr au soir il viendra trouver. Il te fera un sermon et te léchera mettre un dzou du ballot, un grand peignet. Il remplira si t'es sache de ses quoi qui traîneront bénache, sans chasse un baudet, t'un verra un bio martinet. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Ni les marionnettes, ni le pain épice n'ont produit d'effet, mais le martinet a vite rapagé le petit narcisse qui craignot de vire arriver le beauté. Il a dix canchons d'ormoire, Eusmer, l'ami d'un snoche noir, a repris cinq coussins et répété vingt fauches refrains. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. On nous demande toujours, mais dans quel pays votre programme est appliqué? Alors ce pays, il existe, hein, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce pays où notre programme est appliqué, il existe, on pourrait dire il a existé. Il a existé dans les années 80, avant justement que la politique qui a été menée par vos prédécesseurs, qui ont dérégulé, privatisé les services publics. Ça a commencé dans les années 80 par un service des postes qui s'appelait les PTT, qu'on a complètement massacré jusqu'à l'affaire avec le président Lombard où il a justement dit aux salariés, c'est très simple, soit vous passez par la porte ou par la fenêtre, voilà comment on traite le personnel. Après, on a dérégulé la SNCF, quand on voit le maillage qu'il y avait dans notre pays au niveau du réseau ferré et ce qu'il en est actuellement, en pleine dérégulation climatique, on a du mal justement à prendre un transport en commun qui s'appelle le rail. EDF, GDF, où on a créé justement le marché de l'énergie et on voit les dégâts que ça fait actuellement avec les factures qui s'envolent au niveau des petits commerçants justement que vous soutenez souvent. Mais bien entendu, vous soutenez plutôt les gros et la grande industrie au lieu de venir en secours des petits artisans et puis au niveau des particuliers. Donc, vous n'avez fait que déréguler et il restait deux piliers, deux beaux piliers, deux beaux services publics que sont la santé et l'éducation. Eh ben, même la santé dans nos hôpitaux, la sécurité sociale où malheureusement des patients meurent dans les couloirs et l'éducation où on est obligé d'embaucher des professeurs contractuels. Eh ben, ce pays où existait notre programme, c'était la France. C'était la France avant la parenthèse libérale de 1983. Et ce pays, messieurs et mesdames les députés, je lui dois beaucoup. Parce qu'après plus de 40 années de travail, je ne sais toujours pas si je pourrais partir avant, avec 42 années, 43 années ou 44 années de cotisation. Voyez, moi, je réponds aux questions et j'attends la même envie de la part de nos ministres. Sur l'eau, nel corps. Ravi de retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. C'est un train que les Roumains comme les Ukrainiens voient de nouveau circuler avec plaisir depuis janvier 2023. Celui qui relie la ville ukrainienne de Rakhif à la ville roumaine de Valea vise lui. La Roumanie et l'Ukraine ont voulu rétablir cette ligne disparue en 2006 dans le contexte de la guerre en Ukraine qui multiplie les échanges de biens et de personnes entre les deux pays frontaliers. La Roumanie, aux portes de la guerre, 650 kilomètres de frontière avec l'Ukraine, des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens, des centaines de milliers de personnes en transit. La Roumanie, hier parent pauvre de l'Union européenne et de l'OTAN, devenue depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un pays stratégique, l'occasion pour nous de redécouvrir son histoire mouvementée, sa géographie et son identité singulière de pays latin dans un monde slave. Sortons nos cartes. Située au sud-est de l'Europe, au nord de la péninsule balkanique, la Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004 et de l'Union européenne depuis 2007. Le pays est de taille modeste, 238 390 km², soit un territoire deux fois plus petit que la France. Il partage ses frontières avec cinq pays, deux sont membres de l'Union européenne, la Hongrie et la Bulgarie, et trois sont officiellement candidats à y entrer, la Serbie à l'ouest, l'Ukraine au nord et à l'est la République de Moldavie, qui partage avec la Roumanie, on y reviendra, une histoire, une langue et une culture commune. La Roumanie est structurée autour des Carpates, du Danube et de la mer Noire. Véritable colonne vertébrale, les Carpates occupent un tiers du territoire et offrent au pays des montagnes majestueuses. Sorte de grand croissant, le massif sépare le pays en trois, au sud la vaste plaine de Valachie, avec la capitale Bucarest, au nord-est les collines de Moldavie et au centre le plateau de Transylvanie, connu pour ses forteresses dont celle de Bran, antre du plus célèbre des vampires, Dracula. Au sud, le Danube, qui effectue un trajet de 1045 km, s'épanouit dans un somptueux delta, vaste marécage protégé, avant de se jeter en mer Noire. Long de quelques 240 km, le littoral est fait de grandes plages entrecoupées de petites falaises où se succède un chapelet de stations balnéaires. Avec 19 millions d'habitants, la Roumanie est le sixième pays le plus peuplé de l'Union européenne. Mais depuis la fin du communisme en 1989, la population ne cesse de décliner. En 30 ans, le pays a perdu 4 millions d'habitants. Les jeunes Roumains s'en vont pour s'installer principalement en Espagne et en Italie, mais également en Allemagne et au Royaume-Uni, afin de trouver de meilleures conditions de vie. Avec plus de 5 millions d'expatriés à travers le monde, la diaspora roumaine, l'une des plus importantes d'Europe, pèse sur l'économie et le destin politique, comme à l'été 2018, quand des milliers d'entre eux sont rentrés à Bucarest pour dénoncer la corruption. La Roumanie est une terre de brassage. Outre la majorité roumaine, le pays compte 19 minorités nationales, qui représentent environ 10% de la population. Principale minorité, les Hongrois, qui sont plus d'un million et qui ont le soutien du très nationaliste dirigeant Viktor Orban, leur propre parti politique, l'UDMR, Union démocrate maghiare de Roumanie, qui participe à toutes les majorités gouvernementales. La Roumanie est aussi le pays d'Europe qui compte le plus de Roms, 600 000 selon le dernier recensement. En réalité, autour de 2 millions, car beaucoup, par crainte de la stigmatisation, n'osent pas se déclarer tzigane. Cette minorité ethnique, initialement originaire du nord de l'Inde, a toujours été l'objet de multiples discriminations. Maintenue en esclavage pendant 5 siècles, déportée durant la Seconde Guerre mondiale, assimilée de force sous le communisme, beaucoup vivent encore aujourd'hui dans des conditions précaires, parfois regroupées dans des ghettos urbains. Au carrefour de l'Orient et de l'Occident, la Roumanie a une histoire tumultueuse, marquée par de nombreuses luttes d'influence entre les grandes puissances voisines. On va voir maintenant comment, au fil des siècles, le pays a dû arracher son indépendance pour défendre son identité si singulière, on l'a dit, pays latin dans un monde slave. Alors remontons au 1er siècle après Jésus-Christ. L'empereur romain Trajan conquiert la Dacie. Ce territoire correspond au grand sud-ouest de la Roumanie actuelle et y établit d'importantes garnisons romaines. Une occupation qui a laissé de nombreuses traces dans la langue et dans la culture du pays. Il faut attendre le 19e siècle pour que les pays roumains s'émancipent des trois grandes puissances voisines, à savoir l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et la Russie. La Moldavie et la Valachie s'unissent en 1859 et en 1878, l'indépendance de la Roumanie est reconnue. Grâce au jeu des alliances lors de la Première Guerre mondiale, le royaume récupère des territoires appartenant aux puissances vaincues et voit ses rêves d'unité nationale réalisés. C'est la Grande Roumanie, entérinée par les traités de paix, dont celui de Trianon en 1920. Mais le pays n'échappe pas longtemps au jeu des puissances voisines. Le pacte germano-soviétique de 1939 précipite le morcellement du pays. La Bessarabie et la Bucovine du Nord sont annexées par l'URSS, tandis que la Hongrie récupère le nord de la Transylvanie et que la Bulgarie reprend la Dobrodja du Sud. En 1941, le général Antonescu, qui a pris le pouvoir, s'allie à l'Allemagne nazie contre l'URSS. Il instaure un régime fascisant. Plusieurs centaines de milliers de juifs et de tziganes sont déportés. Août 1944, l'armée soviétique entre en Roumanie et place le pays sous son influence. L'industrie est nationalisée, la collectivisation des terres est lancée, la police politique, la tristement célèbre Securitate, est mise en place. 1965, Nicolae Ceaușescu arrive au pouvoir. Il va s'écarter de l'orbite soviétique. Point d'orgue, le refus d'appuyer militairement l'URSS lors de son intervention contre le printemps de Prague en 1968. Cette prise de position du conducator lors d'un meeting à l'affluence record, la célèbre scène du balcon, réveille la fibre patriotique et anti-soviétique des Roumains. À partir des années 70, le régime de Ceaușescu se durcit encore, la population s'appauvrit sous l'effet d'une austérité rigoureuse. Un régime dictatorial qui ne résistera pas à la chute du bloc soviétique. En décembre 1989, une violente insurrection éclate, le régime est renversé et après un simulacre de procès, le couple Ceaușescu est exécuté. En Roumanie, la transition vers une économie de marché a été lente et chaotique. Fragilisé par une instabilité politique chronique, gouverné en alternance par le Parti social-démocrate, héritier du Parti communiste, incarné par Ion Iliescu, et depuis 2014 par le libéral de centre-droit, Klaus Iohannis, le pays se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale. Le chômage y est faible, il atteint 5,5% de la population active, son PIB a bondi de 200 milliards d'euros en 20 ans, mais la corruption reste un fléau persistant, l'économie souterraine représente encore l'équivalent d'un quart du PIB. Résultat, la Roumanie avec un salaire minimum autour de 450 euros par mois est l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. L'agriculture, qui emploie 21% de la population, est elle aussi faite de paradoxes. Un tiers des exploitations agricoles de l'Union européenne sont en Roumanie, mais elles ne représentent que 3,8% du PIB. Car il s'agit d'une agriculture qui repose sur de très petites fermes familiales, 2 hectares en moyenne, peu mécanisées, une agriculture de subsistance qui peine à s'industrialiser. En revanche, les terres roumaines fertiles et bon marché sont devenues un eldorado, mais pour les agriculteurs étrangers qui détiennent désormais un tiers de la surface agricole. Depuis 2000, une nouvelle vague de privatisation et de réformes a permis à l'industrie de se moderniser et de se diversifier. Secteur le plus dynamique, l'automobile, qui représente à elle seule 12% du PIB. Réussite emblématique, la privatisation de Dacia par Renault et le succès de la voiture low-cost, la fameuse Logan, fabriquée dans l'usine de Pitești, au nord de Bucarest. Autre atout de la Roumanie, ses nombreuses ressources naturelles. Le pays peut ainsi se targuer d'être l'un des États européens les plus indépendants énergétiquement, avec l'Estonie et la Suède. Le pays est le deuxième plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel de l'Union. Pour asseoir cette autonomie énergétique, des gisements offshore de gaz en mer Noire ont été relancés depuis le début de la guerre en Ukraine. Le conflit ukrainien, qui a confirmé le rôle stratégique de la Roumanie comme avant-poste de l'OTAN face à la menace russe le long de la frontière est de l'Alliance. Environ 4700 soldats étrangers sont déployés dans le pays. La France, sous les couleurs de l'OTAN, affiche sa force, système de défense sol-air, Charles Leclerc et quelques 800 militaires. Dans le sud de la Roumanie, à Deveselu, se trouve également depuis 2016 une station du bouclier antimissile américain censée intercepter toute attaque provenant de Russie, d'Iran ou de Corée du Nord. Autre point stratégique, la région de Constanța, où se trouve une base aérienne roumaine mise à disposition de l'OTAN. Objectif, protéger ce port ainsi que celui de Galați, un peu plus au nord, qui sont désormais les rares débouchés en mer Noire des céréales ukrainiennes. Voilà pour ce voyage en Roumanie, pays latin dans un monde slave, qui a choisi l'ancrage européen et otanien, ce qui est une garantie de protection face à la Russie, particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine. On l'aura compris, la Moldavie voisine, si proche historiquement et géographiquement de la Roumanie, n'a pas cette chance. Ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN, elle est aujourd'hui une cible pour la Russie, notamment à travers la région sécessionniste pro-russe de Transnistrie. Pour aller plus loin, ce très joli ouvrage publié chez Nevicata, Roumanie au carrefour des empires, et puis cet ouvrage très personnel de ma consœur Sonia De Villers, où comment les Juifs roumains, à peine sortis de la Shoah, furent exportés par l'État communiste. Petite revue de presse, bon, c'est vous qui voyez. Alors, Vosges Matin, par exemple, du lundi 22 mai 2023, Henri Cuny lève le voile sur l'Anthropocène. Henri Cuny est ingénieur à l'IGN au sein du département d'analyse des forêts et des haies bocagères. Le Vosgien d'origine est aussi l'auteur de Le Bon, la Brute et Le Tyran. Ce que l'Anthropocène dit de nous, un essai récemment publié aux éditions Maya. Voilà, alors, réflexion sur les mécanismes qui ont conduit l'homme à modeler, voire à menacer son propre système. Un livre qui mérite sans doute d'être lu par le plus grand nombre. Ensuite, lundi 22 mai encore, tiens, 2023, les entreprises confrontées à un absentéisme historique. un absentéisme historique. Le nombre d'arrêts de travail et la proportion de salariés absents ont atteint des records en 2022 selon une étude du groupe AXA. C'est pas un ministère, c'est pas une administration, c'est pas le ministère du Travail qui a fait une étude. Non, c'est le groupe AXA. Ah oui, de plus en plus, des boîtes privées sont chargées de faire des tâches normalement officielles. Normalement, hein, je dis bien. Faudra-t-il réformer quoi? Eh bien, réformer la réforme du baccalauréat. Hein. Stress, absentéisme, démotivation. Professeurs et parents dénoncent les effets pervers d'un bac nouvelle formule qui fait porter sur les deux premiers trimestres l'essentiel des efforts. Le troisième trimestre, ben, bon, faut les sacrifier. Hein, voilà. Défiance politique, les élus en première ligne. Sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics, menaces, intimidations, harcèlement ou pire. L'affaire de Saint-Brévin-les-Pins et la démission de son maire, Yannick Morez, relance le débat du statut de l'élu et de son engagement désintéressé. Et dans les Vosges, point d'interrogation, a écrit le journaliste Olivier Jourba. Défense, la loi de programmation militaire devant les députés. Le projet de loi de programmation militaire est en débat à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi couvrant la période 2024-2030. Il prévoit une forte augmentation du budget, 413,3 milliards d'euros sur 7 ans, soit 40% de plus que pour la précédente loi de programmation militaire. Bon, on est donc un pays riche. Gérard Filoche, pourquoi 45 000 bénévoles aux Jeux Olympiques 2024? Le bénévolat, ça n'existe pas en droit du travail. Or, c'est du travail. C'est illégal. Les JO, Jeux Olympiques, c'est 7,5 milliards. Le chef des Jeux Olympiques se paye plus de 22 000 euros par mois. Vous devez payer au moins un SMIC à ces 45 000 jeunes. Macron démolit le réseau des lycées professionnels. Très vite, on verra la pénurie de salariés et cadres intermédiaires hautement qualifiés. Le tout apprentissage, l'école à l'entreprise. Le marché du savoir professionnel, c'est la faillite assurée du pays. La fabrication des vaccins a été laissée au privé. Deux chercheurs des universités Lyon 1 et Amsterdam ont coordonné un ouvrage historique sur l'évolution de la production de vaccins dans 8 pays européens et la dépendance à l'égard de l'industrie privée. C'est Vosges Matin du dimanche 26 décembre 2021. Hein, voilà, le privé, la médecine et le privé, la pharmacie et le privé, la sécurité sociale et le privé. Avant de soutenir telle ou telle association, parti ou syndicat, j'ai besoin d'être sûr de leur fiabilité. Nous avons tellement été roulés. Alors, deux questions. Qu'allez-vous faire concrètement et rapidement contre le chômage? Deuxième question. L'enfouissement des déchets nucléaires à Bure est imminent. Que comptez-vous faire? Tout ce qui nous effrayait du communisme. Perdre nos maisons, nos épargnes et être forcé de travailler pour un salaire minable sans avoir de pouvoir politique. C'est réalisé grâce au capitalisme. Et c'est signé Bernie Sanders. Hein? Eh oui. Partout, il y a des gens qui réfléchissent et qui disent ce qu'ils pensent. Gilles Perret. Alors qu'aujourd'hui, nous parlons d'un enterrement à la Victor Hugo. C'est l'occasion de rappeler qu'en février 1951, à Paris, il y avait 1 million de personnes aux obsèques d'Ambroise Croizat. Né dans la misère ouvrière, militant CGT, puis député communiste, Il fut arrêté en 1939 et envoyé au bagne d'Alger durant 3 ans. À la libération, il devint ministre du Travail. Et mit en place la sécurité sociale. Une vie juste entièrement consacrée aux autres et à l'intérêt général. Jusqu'à sa mort, il restera dans son logement modeste parisien sans avoir jamais connu l'opulence. Voilà, un homme, un vrai. Un homme politique, un vrai. Pour travailler toutes et tous pour l'indemnisation de 100% des chômeurs. 20% des chômeurs sont indemnisés. 6,6 millions d'inscrits à Pôle emploi, plus 78% en 20 ans. Qui a été au pouvoir ces 20 dernières années, hein? 6,6 millions de chômeurs d'inscrits à Pôle emploi, plus 78% en 20 ans. 50% des allocations inférieures à 950 euros. Il y a quand même des saloperies, des pourris dans ce pays qui font vivre cette vie-là à d'autres. Hein? Ah oui, il y a des gens qui sont inhumains, qu'il faudrait traiter de façon inhumaine devant les leurs, de manière à montrer que l'inhumanité, ça peut changer de camp. Eh oui, ça peut. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui ?» Point d'interrogation. « Vous croyez ?» Point d'interrogation. Il ne faut rien exagérer. Point d'exclamation. Et puis un jour, on se le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. C'est signé Françoise Giroud. La Terre est âgée de 4,6 milliards d'années. Ramenons ça à 46 ans, nous sommes là depuis 4 heures. Notre révolution industrielle a commencé il y a une minute. Dans cet intervalle, nous avons détruit plus de 50% des forêts de la planète. Il y a un virus dans le monde qui tue 8500 enfants par jour. Ce virus bien plus important que Covid-19 s'appelle la faim. Son remède existe, la nourriture. Jamais personne n'en parle. Cause de décès dans le monde. Covid-19, 237 000. Malaria, 327 000. Suicide, 357 000. Accident de la route, 450 000. Entre le 1er janvier et le 1er mai 2020. Cancer, 2 740 000. Malnutrition, 3 731 000. Maladie infectieuse, 4 331 000. Voilà comment il marche le monde, comment il va bien le monde. Hein. Et pourtant, on a les moyens d'améliorer très nettement les choses, très rapidement et profondément. 6 millions de chômeurs, la plus grande armée du monde. Alors, une réunion devant les mairies, une réunion devant les préfectures, et ça changerait. Oh là là, oui, ça changerait. Ça changerait vite et bien, et profondément, et durablement. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des devoirs et le plus indispensable, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu'une armée debout. Celui qui contrôle l'argent de la nation, contrôle la nation. Signé Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis. Vincent Bolloré et Éric Zemmour. Un duo inséparable. Tous les jours au téléphone, les deux hommes partagent un projet politique commun. Après Canal+, CNews, What is it, CNews, Europe 1, Paris Match, le JDD, voilà. Le milliardaire breton lorgne désormais sur le Figaro. Alors, c'était en 2021. Hein. Il a sans doute acheté le Figaro depuis. Hein. Bon, de toute façon, le Figaro s'était déjà vendu avant qu'il l'achète. La France a besoin de l'ordre de 8 000 à 9 000 tonnes d'uranium naturel pour fabriquer le combustible alimentant son parc de 58 réacteurs nucléaires. Voilà, je vous fais grâce du réseau de la page. Le saviez-vous ? La France a eu un jour un ministre du Travail qui savait ce que travailler veut dire. Dès l'âge de 13 ans, il avait travaillé à l'usine. Il s'appelait Ambroise Croizat. Nous lui devons la sécurité sociale, la retraite par répartition, les comités d'entreprise, les conventions collectives, la réglementation sur les heures supplémentaires, la médecine du travail. Réveillez-vous. Il a fait tout ça en moins d'un an et demi, entre 1945 et 1947. Et les manuels d'histoire se gardent bien de parler de lui. Il est tellement à mille lieues de nos politicards nantis. Nos politicards nantis, oh bon, tiens, ça veut dire quoi ça? Nos politicards nantis, oh, déconnectés et mal intentionnés. Les puissants préfèrent que le peuple l'oublie, ça pourrait nous donner de mauvaises idées. Un journaliste qui gagne entre 20 000 et 30 000 euros par mois ne peut pas critiquer le système qui le nourrit. Il est en conflit d'intérêts. Ce n'est donc plus un journaliste, mais un chien de garde du système. Un chien de garde du système. Voltaire écrivait ceci au XVIIIe siècle. La politique est le moyen pour des hommes et des femmes sans principe de diriger des hommes et des femmes sans mémoire. Il y a deux types de voleurs. Le voleur ordinaire, c'est celui qui vole votre argent, votre portefeuille, votre montre, etc. Et il y a le voleur politique, celui qui vous vole votre avenir, votre éducation, votre santé, votre sourire. La grande différence entre ces deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler, alors que le voleur politique, c'est vous qui le choisissez pour qu'il vous vole. Et l'autre grande différence, c'est que le voleur ordinaire est traqué par la police, tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par son convoi, par un convoi de police. François Ruffin. Nous sommes dirigés par une élite inconsciente et cynique, obsédée par la croissance, la concurrence, la mondialisation, qui fonce droit dans le mur écologique. Nous devons lui reprendre le pouvoir. Il n'y a rien sans débordement populaire. Quand la téléconsultation, s'invite à la pharmacie, Alors, manque de médecins, téléconsultation. Comme ça, on pourra fermer des cabinets de médecins, des hôpitaux, etc., et des maternités, et des pharmacies. Europe, la pollution de l'air tue 1200 enfants par an. La pollution de l'air provoque encore chaque année en Europe le décès prématuré d'au moins 1200 enfants et adolescents, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié récemment, même si la tendance est à l'amélioration. La meilleure arme n'est pas un pistolet ou une bombe. C'est le contrôle de l'information. Contrôler l'information du monde, c'est contrôler les cerveaux qui la consomment. Contrôler les cerveaux qui consomment l'information. C'est comme ça que des Sarkozy, des Macron, etc. sont élus. À cause de la télé. Le président au château, les manifestants à distance. C'est au château de Joux. Joux, les dernières demeures de Toussaint l'Ouverture. Qu'Emmanuel Macron est venu ce jeudi célébrer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Tandis qu'en contrebas, quelques 200 manifestants tentaient de se faire entendre. Alban, Benjamin, Alexandre, mort au travail. À l'occasion de la journée internationale des morts au travail, ce vendredi, syndicats et associations se réunissent devant le ministère du Travail à Paris. Les familles, les victimes demandent un renforcement de la prévention et un durcissement des sanctions contre les entreprises. Alors, il y en a deux pages qui vaudraient le coup d'être lues entièrement, attentivement, calmement. Ouais. Ah, malheureusement, les radios libres et locales. Hein. Bon. Bon, eh oui, c'est comme ça. Oradour Souglan, ancien résistant et unique survivant de sa famille massacrée, André Desourteau s'est éteint. 18 membres de sa famille ont été assassinés le 10 juin 1944. Ses parents, ses sœurs, ses grands-parents, ses oncles, tantes et cousins, ce jour-là, André Desourteau travaillait à Limoges. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé? Eh bien parce qu'un régiment de la SS, l'armée allemande, passait par là. Ils ont massacré tous les habitants d'un village. Et pourquoi donc? Eh bien parce que la Deuxième Guerre mondiale avait lieu. Et pourquoi la Deuxième Guerre mondiale avait-elle lieu? Eh bien parce que certain Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933. Et comment se fait-il que cet homme-là soit arrivé au pouvoir en 1933? Eh bien parce que 10 ans auparavant, il a eu 40 députés au Reichstag, le Parlement allemand, 10 députés qui ont été élus, hein, 10 députés nazis qui ont été élus démocratiquement, ouais, bah oui, parce que l'information déjà à l'époque était arrangée, était truquée, hein. Et puis, eh ben, tout ça s'est arrivé parce que en Allemagne, en 1923, il y avait 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs! En France, il y a 6 millions de chômeurs! 85% des Français estiment que le drapeau tricolore est important pour les rassembler, selon une étude Ipsos réalisée en 2019, citée par 95% des sondés, l'école publique gratuite et la langue française arrivent en tête du classement des éléments de cohésion nationale. Voilà. Alors, ensuite, j'arrive pas à tourner la page. Et si la France et l'Europe... du côté de la France insoumise, dont deux députés n'ont pas répondu à nos sollicitations, c'est pour une autre raison que le drapeau européen fait aussi l'objet d'un profond rejet, pardon. Jusqu'à l'Assemblée nationale où Jean-Luc Mélenchon s'était offusqué de le voir en 2017. Deux points ouvrant les guillemets, c'était lui qui parlait. C'est la République française ici, pas la Vierge Marie, avait-il lancé, faisant sienne la théorie controversée d'une inspiration chrétienne du drapeau européen. C'est un emblème religieux, affirmait-il, même alors dans une vidéo. Qu'en pensez-vous? Oh, si, on peut penser, si, on peut penser. Oui, même sur le territoire qu'on habite, hein, on peut penser. Déportation, éviter le piège de l'oubli à tout prix. Un collectif manifeste contre un projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Vittel. Je me contente des titres maintenant parce que, voilà, déjà presque 20 minutes. Hein. Amiante, la justice refuse un procès pénal réclamé par des victimes. La justice refuse un procès pénal réclamé par des victimes. Alors l'amiante, la dose dangereuse reconnue par les normes, c'est une fibre, un peu plus d'un milligramme, par mètre cube d'air respiré. Eh oui. Réforme des retraites, le combat continue. Festive et bon enfant pour beaucoup de combats, le combat continue bien que la loi ait été adoptée et promulguée. C'est aussi l'occasion de dénoncer les salaires bas et les conditions de travail difficiles. Et le chômage, qui en parle? Le chômage, qui en parle? Qui en parle? Nos députés, sénateurs, etc., etc. À quoi que ça sert? Le 1er mai, la retraite dans toutes les têtes. Le 1er mai, la retraite dans toutes les têtes. Et le chômage. Le chômage. Ben oui, très important le chômage pour l'avenir de notre pays. Vous avez vu en 1923, 40 députés au Reichstag. Et puis en 1933, les nazis au pouvoir, et 1939, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait 64 millions de morts. Une réforme, 4 mois de mobilisation, ben oui, il faut pas voter n'importe comment, hein. Et faut réfléchir avant de voter un petit bout de papier qu'on met dans une boîte. C'est pas important, c'est pas grave. Hein. Même si je me trompe, si je vote mal, le voisin, il aura voté bien, donc ça rétablira l'équilibre. Oui, oui, oui, c'est ce que pensaient les Allemands en 1923 et en 1933. Hein. Après, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés, hein. Trop tard. Alors, ensuite, baisse des impôts, promesse intenable, point d'interrogation. Ah, tiens, un vieux tract. Un vieux tract des années, la fin des années 70. Hein. Grande pétition pour faire exploser la bombe atomique française au sommet de la Tour Eiffel. Point d'exclamation. Considérant que, ainsi que l'affirment formellement nos dirigeants, nos chefs militaires et nos sommités scientifiques, les explosions de bombes atomiques françaises ne peuvent causer aucun dégât aux populations avoisinantes, nous, peuple français, déclarons que nous en avons assez de payer très cher pour des bombes que d'autres ont le plaisir de voir exploser chez eux. En conséquence, nous exigeons que l'honneur d'accueillir les explosions atomiques françaises soit réservé au sol français, en son site le plus chargé de gloire et de prestige. Que tous ceux qui sont d'accord pour que la prochaine bombe atomique française explose au sommet de la Tour Eiffel signent cette pétition et la fassent parvenir à Monsieur le ministre des Forces armées, 14 rue Saint-Dominique, Paris 7e.